LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Juste une question, est-ce que l'épigénétique, ça vous dit quelque chose ? L'épigénétique. Je ne vais pas répondre parce que je dirais une bêtise. L'épigénétique. Pour être honnête, j'en ai entendu parler, mais je ne me rappelle plus. Non, l'épigénétique, non. Non. Madame ? Oui ? Est-ce que l'épigénétique, ça vous dit quelque chose ? L'épigénétique, oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Après, j'ai une formation un peu en biologie, donc ça compte peut-être pas. Bah, en gros, c'est tout ce qui est lié à la génétique, mais qui n'est pas directement dans le génome, mais qui va influencer la génétique. Donc si jamais il y a un repliement spécial des chromosomes, selon comment ça s'appelle déjà ? J'aimerais savoir si l'épigénétique, ça vous dit quelque chose. L'épigénétique ? Non. Enfin, pourtant, vous vendez des graines. C'est le réarrangement de la molécule d'ADN sous l'effet de l'environnement, sans qu'il y ait de la reproduction qui se soit mis en place. Donc, il y a de l'épigénétisme en forêt, naturellement. Ben voilà. En même temps, elle est généticienne à l'ONF. Épigénétique. Quand l'ADN fait son intéressant. Une série documentaire de Franck Cuvelier réalisée par Véronique Samouilov. L'épigénétique fait campagne. Bonjour Marie Seroni, on est jeudi après-midi. Là, je crois que c'est un des jours les plus chargés en foule hein, du salon de l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture, c'est encore un intérêt pour les gens. Alors effectivement, moi je suis là depuis le début de la semaine, je suis frappé par l'importance du monde qu'il y a, c'est tous les jours. Et là il y a un monde fou et une ambiance détendue. Enfin, on est dans un environnement assez anxiogène, mais où finalement les résultats agricoles 2021 et 2022 sont bons, contrairement à l'impression qu'ont les gens. Et donc l'ambiance est très détendue quand on discute dans le monde agricole. Finalement, l'enjeu aujourd'hui en matière agricole, en France, si on était en Afrique ou en Asie, l'enjeu s'exprimerait de manière un petit peu différente. Mais l'enjeu pour nous, dans des pays qui sont bien nourris, suffisamment nourris, pas forcément bien nourris justement, parce qu'il y a des problèmes d'obésité, etc. Mais notre enjeu demain est de produire autant, peut-être plus, en tout cas certainement pas moins, et en ayant un impact des émissions de gaz à effet de serre beaucoup moins important et un stockage de carbone dans le sol plus important pour préserver l'environnement. Et donc, au bout du bout, utiliser moins de produits chimiques, un peu comme le slogan en médecine humaine, l'antibiotique, c'est pas automatique. Et donc, pour moi, c'est clair, la voie, c'est l'innovation et la science. Et parmi les voies, il y en a une, qui est l'épigénétique. La génétique, qui parfois fait peur, mais l'édition génomique, et ce qui est complètement autre chose, l'épigénétique, dont on perçoit que ça peut être des leviers d'amélioration des pratiques agricoles. C'est avec cette question que nous avons arpenté les allées du Salon de l'agriculture. L'épigénétique, c'est quoi ? Dans le génome, là où nos gènes sont compactés à l'intérieur du noyau de chacune de nos cellules, on observe un ensemble de petits mécanismes biochimiques qui favorisent ou répriment l'expression de ces gènes. C'est l'épigénétique. Or, les chercheurs démontrent tous les jours un peu plus que l'environnement des êtres vivants agit sur ces mécanismes. Autrement dit, qu'une attaque de parasites, par exemple, pourrait stimuler une réponse épigénétique de la plante qui saurait alors exprimer des gènes défensifs. En réalité, c'est plus compliqué. Mais avec cette explication, on était sûr d'accrocher l'intérêt du betteravier ou du céréalier de passage. Monsieur, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si l'épigénétique, ça vous dit quelque chose, comme vous vendez des graines, de plein de choses. L'épigénétique ? Non. Enfin, pourtant, vous vendez des graines. Vous vendez des semences. L'épigénétique, si ça me dit quelque chose. Dans les céréales. Alors, on va en parler pour aller dans le développement de nos variétés, bien sûr. de nos céréales, mais après... C'est l'épigénétique, non ? Non, en tant que tel, ça ne me dit rien. On peut imaginer que lorsqu'on aura bien compris ces effets de l'épigénome et qu'on saura le piloter. J'aime bien ce terme de le piloter. Moi, quand j'étais jeune, que j'ai fait mes études, on nous apprenait qu'on avait du matériel génétique d'un être vivant, animal ou végétal, auquel nous, notre métier d'agronome ou de zootechnicien était de fournir les conditions optimales pour qu'il s'exprime. Mais on sait qu'aujourd'hui, non seulement il faut qu'on lui donne des conditions optimales, mais que les conditions qu'on lui donne modifient son potentiel. C'est complètement nouveau. Et c'est très intéressant de regarder la forêt, parce que la forêt, c'est du temps très très long. Alors quand on cultive un blé, ça dure 9 mois. Hein. Si je prends un jeune arbre qui a connu une sécheresse grave, 30, 40, 50 ans après, s'il y a un épisode de sécheresse, il résistera mieux que des arbres du même âge qui n'ont pas connu en pépinière l'épisode de sécheresse. Et les chercheurs, moi je ne suis pas chercheur, les chercheurs pensent que c'est un effet de l'épigénome. Et donc on se dit que quand on peut maîtriser ça, ça donne des perspectives naturelles. Je donne un autre exemple. On sait qu'un œuf, il y a des publications scientifiques là-dessus, un œuf qui a été soumis à un stress thermique, le poussin devenu en train de devenir poulet, résistera mieux à un stress thermique. Et on pense que c'est de l'épigénétique, que c'est lié à l'épigénome. Alors certains vont dire, oui, bah, on veut absolument dominer tout le vivant. Non, là, on comprend des mécanismes et on se dit, mais on peut, de ce point de vue-là, les utiliser de manière favorable par rapport à ce dont on a besoin pour produire sans avoir d'impact sur l'environnement. Mais c'est aussi un enjeu énorme d'indépendance. Nous avons la chance d'avoir en France une recherche agronomique de premier plan. Hein. On est dans les 3-4 grands organismes de recherche au monde. Mais il faut leur donner les moyens importants pour travailler sur ces sujets quand on voit que le gouvernement américain ou les Chinois... Les Chinois qui sont aujourd'hui propriétaires d'un certain nombre de molécules chimiques de la pharmacie humaine ou de la pharmacie végétale sont fabriqués en Chine et en Inde. Et ils investissent, eux, beaucoup sur l'épigénétique. Nous, on investit, mais il ne faut pas qu'on soit en retard. Bel avenir pour l'épigénétique, alors. Ah, je crois. Et pour l'agronome que je suis, c'est passionnant. Alors, on m'a demandé au juge de nous commenter quand même leur choix. En témoignent les visites obligées des élus de tous bords au salon, l'agriculture bleu-blanc-rouge reste un symbole national. Mais on ne se doutait pas que la recherche en épigénétique des plantes aurait pris racine dans nos instituts agronomiques à ce point. On y va ? Oui, allons-y. Faisons le tour du campus. On va regarder un petit peu On va regarder les serres, je vais vous montrer un peu les installations qu'on a ici, les installations expérimentales. Donc on est ici sur le site de l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, qui était avant l'INRA. Et on se trouve ici en région parisienne, juste aux portes du parc du château de Versailles. Et donc on est ici sur le campus où on a un certain nombre de serres. Avec lesquels on travaille et où on pose de façon un peu générale des questions de recherche fondamentale et puis des questions d'agronomie, des questions un peu plus appliquées. On est une trentaine d'équipes et donc vous pouvez voir ici les serres qui sont... Alors on est le matin, les serres sont allumées, on est en hiver, on va rentrer dans les serres et vous allez voir, il y a une bonne chaleur qui va vous saisir parce qu'on est obligé de recréer des conditions printanières pour pouvoir cultiver nos plantes. Donc vous allez voir ça d'un peu plus près. Vous voyez la lumière ici dans les serres, elles sont toutes éclairées, c'est assez joli, mais ça a aussi un coût assez important. Et c'est aussi ça le coût de la recherche, et c'est des financements que nous, on doit aller chercher au niveau européen, et puis qu'on doit aller chercher aussi au niveau de l'Agence nationale de la recherche, qui est l'agence principale qui finance la recherche en France. Où poursuivre notre enquête sur l'épigénétique des plantes made in France ? Chez AgroParisTech, à l'IPS2, au GQE, à l'I2BC, un peu au hasard et parce que le sigle INRAE nous était le plus familier, nous commençons avec Nicolas Boucher, chercheur à l'Institut Jean-Pierre Bourgin. Rien qu'ici, 300 chercheurs, 5000 m2 de serre où sont chouchoutés plus de 10 000 plants qui réclament quelques milliers de blouses, de charlottes et de surchaussures jetables et 400 000 euros de chauffage par an. Alors on fabrique un printemps permanent pour permettre aux plantes de se développer et de se reproduire et de croître. Enfin, l'idée du printemps permanent, finalement, c'est pourquoi ? L'idée du printemps permanent, c'est simplement parce que les plantes sur lesquelles on travaille, donc c'est des plantes, on va en parler, on va les regarder, c'est des plantes notamment qu'on utilise en recherche fondamentale, c'est un peu nos souris à nous. C'est la rabette des dames, qui est une petite plante, une petite crucifère, que vous allez trouver dans les prés, un peu partout, sur les chemins de randonnée, et auquel vous n'avez jamais vraiment prêté attention. Et nous, on l'utilise, cette petite plante, cette petite crucifère, parce qu'elle a un intérêt en génétique, parce qu'elle a un génome assez simple, parce qu'elle est très facile à cultiver, mais c'est une plante de printemps. Et donc, il faut qu'on reconstitue en permanence les conditions de sa culture, c'est-à-dire une vingtaine de degrés en permanence, et puis avec des conditions de luminosité qui sont celles qu'on rencontre normalement au printemps, avec une luminosité qui commence à s'installer dès 9h du matin jusqu'à un petit peu tard le soir. Donc c'est un éclairage qui ressemble en fait au soleil et que vous allez retrouver dans ces serres et qui a aussi un coût important, bien plus important que la petite lampe que vous pouvez trouver dans votre salon. Et ça vaut le coup, c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, pour s'intéresser à une petite arabette, qui est quasiment une mauvaise herbe, l'arabette. Oui, c'est une mauvaise herbe. Oui, complètement, c'est une mauvaise herbe. Évidemment que ça vaut le coup, parce qu'en fait, toutes les connaissances qu'on arrive à acquérir sur cette arabette des dames, on peut les transférer aux espèces d'intérêt agronomique. Et c'est exactement ce qu'on a fait au cours de ces dernières années. On a commencé à s'intéresser à cette petite plante de façon collective dans la communauté scientifique, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Je dirais dans les années 2000, son génome a été séquencé au début des années 2000. C'est un génome à 5 chromosomes, donc c'est tout petit par rapport à tout un tas d'autres espèces vivantes. Et puis les connaissances acquises au cours de ces 15 dernières années sur l'arabette des dames, elles sont transférables aux espèces d'intérêt agronomique qui fonctionnent sur leurs fondamentaux, je dirais sur les mécanismes du vivant fondamentaux, un peu de la même manière. Donc on peut utiliser ces connaissances acquises sur cette plante assez simple dans son fonctionnement. On peut les transférer au blé, au maïs, à la tomate notamment, dont on va parler un petit peu plus, je pense, aujourd'hui. On peut les transférer sur des plantes qui sont beaucoup plus complexes, notamment dans leur génome et dans leur génétique, et qui ont une valeur stratégique, qui ont une valeur pour l'agriculture de demain. Et donc, il faut que l'on travaille sur cette petite plante et qu'on acquiert ces connaissances pour pouvoir ensuite les utiliser à bon escient et puis extrapoler. Et ce qu'on arrive à faire maintenant beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années, parce qu'on a des outils de génomique, on a des outils beaucoup plus puissants qui nous permettent de transférer bien plus facilement les connaissances acquises de l'arabette vers les plantes cultivées, les plantes qu'on appelle les plantes d'intérêt agronomique, celles que vous trouvez dans les champs et celles qui nous nourrissent et dont l'agriculture française et l'agriculture mondiale ont cruellement besoin. Donc c'est des enjeux énormes finalement. C'est des enjeux financiers énormes qui dépassent largement le cadre de l'agriculture. C'est des enjeux sur le bien-être, c'est des enjeux sur le bien-vivre, c'est des enjeux environnementaux, c'est des enjeux qui nous impactent tous à différents moments de nos vies, qui impactent aussi l'économie du pays, puisque vous le savez, l'indépendance agricole et l'indépendance alimentaire d'un pays, c'est quelque chose d'absolument crucial et capital. Donc oui, ce sont des enjeux qui dépassent bien largement le cadre de l'arabette des dames. Cette petite crucifère sur laquelle vous marchez sans même vous en apercevoir quand vous faites une belle randonnée en Normandie ou en montagne. D'abord, quelles sont les attentes des agriculteurs aujourd'hui, outre le rendement, la vigueur et la précocité? L'objectif, c'est qu'un grain semé donne une plante levée. On a plus 1,5 à 2 kg de lait par vache, par jour, en plus sur ces exploitations-là. Un fongicide pour les vignes, un acaricide pour les fruits ou un apport en soufre pour améliorer le rendement du riz. Combinant trois ingrédients actifs puissants issus de deux groupes de fongicides différents, on va apporter plus de maïs, de 14 et 16 kg de matière sèche. Contrôler les principales maladies foliaires, réprimer la fusariose de l'épi. Voilà comment nous avons monté la barre d'un cran en matière de suppression des insectes, des maladies et des nématodes. Le produit se présente sous forme de granulés, chacun composé de millions de particules alimentaires qui se libèrent quand le produit est dispersé dans l'eau. Il améliore la vigueur des plants et leur potentiel de rendement. L'Imagrand, semencier français, quatrième mondial, l'épigénétique, il devait être sur le coup. Nous prenons bouche. Assaut de cordialité. Au bout de 3 semaines de mamour numérique, il nous adresse ceci. Hélas, personne n'est en mesure de vous parler d'épigénétique chez nous. Mon œil. Même tabac chez les gros de l'agro. Alors de 06 en 06, nous finissons par obtenir un rendez-vous au salon de l'agriculture, au stand Agri Demain, ça ne s'invente pas, avec Franck Garnier, agent double assumé. Moi, j'ai quitté ces grands groupes. Je m'occupe avec d'autres de développer des solutions alternatives dans le biocontrôle, les biostimulants. Et changé de camp ? Non, c'est pas changé de camp. Quand j'étais chez Bayer, pour tout vous dire, mais quand j'étais chez Bayer, j'étais passionné par le biocontrôle et j'ai initié un certain nombre de partenariats pour développer du biocontrôle. Donc, c'est pas changé de camp. Mon camp, ça a toujours été les filières agricoles, comment bien les servir, comment développer des solutions qui leur permettent de concilier toutes les contraintes qu'ils ont, c'est-à-dire à la fois l'économie, parce qu'il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils produisent, l'environnement, parce qu'il faut vraiment bien respecter l'environnement. Et je crois que de plus en plus, tout ça, c'est du complémentaire, c'est du combinatoire. C'est ça qui me passionne. Donc les solutions, il faut se retrousser les manches et puis se mettre à regarder ce qu'on va pouvoir faire de différent pour une agriculture qui soit à la fois productive, respectueuse de l'environnement et adaptée au changement climatique. Il y a tellement d'enjeux aujourd'hui. Les agriculteurs ont des raisons d'être insatisfaits parce que des fois, ils ont l'impression d'être un peu laissés au bord du chemin, quoi. Et moi, je les comprends parce que ce sont des professions qui sont hyper engagées, très contributives, hein. Sans eux, on ne mangerait pas bien. Donc, ils font un boulot fantastique dans des conditions qui sont difficiles et ils sont souvent très peu reconnus. Et ils ont l'impression d'être devant un mur sans solution. L'épigénétique là-dedans, est-ce que c'est des pistes pour eux, là, pour l'agriculteur, là, tous ceux qui nous entourent là. On est entouré d'agriculteurs, il y en a partout, des éleveurs. Là. Franck, vous faites un sondage là, micro-trottoir, vous leur posez la question qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses. Non, pour eux, c'est pas quelque chose de tangible. Et d'ailleurs, moi je suis honnête, hein, pour moi non plus, pour l'instant. Je me documente, j'ai vu pas mal de choses qui viennent du CNRS, de l'INRA, etc. Mais entre ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est tous ces brins d'ADN qui peuvent changer et qui peuvent induire éventuellement des tolérances à la sécheresse, des choses comme ça, et des applications concrètes, je crois qu'on est encore loin du bourg, comme on dit. Alors voilà, on est prêt. On est prêt pour aller en serre. Donc on s'est habillé, on a mis des surchaussures et une blouse pour pas introduire de graines ou de choses qui viennent de l'extérieur. Et ça sert aussi à protéger l'extérieur. Et comme ça, on n'embarque rien de la serre vers l'extérieur. Donc ici, c'est un sas où on fait ce passage entre l'extérieur avec nos habits de ville et puis l'intérieur où on va aller dans les serres pour aller regarder les plantes. Donc voilà, là, on est dans l'une des serres. Avec en face de nous ce qu'on appelle des tablards sur lesquels donc on a nos arabettes qui sont disposées ici. Donc vous voyez, c'est une toute petite plante avec quelques petites feuilles, c'est une crucifère. Et dans les serres ici qui sont dédiées à l'arabette, on les cultive à différents stades. Donc ce que vous voyez ici, c'est des toutes petites arabettes qui ont presque 2 à 3 semaines. Ensuite ici, à partir d'un certain moment, et c'est ce qui se passe au printemps, elles commencent à faire ce qu'on appelle une urne florale, c'est ce que vous voyez ici avec quelques fleurs, avec 4 pétales. Ensuite, cette petite crucifère, elle va de la graine à la graine, c'est-à-dire une graine semée dans le sol jusqu'à la production de ces graines filles et des individus de la génération suivante en 3 mois. Donc c'est assez court pour une plante. Et c'est assez intéressant d'un point de vue génétique parce que ça produit beaucoup, beaucoup d'individus. Et la génétique, c'est aussi beaucoup des statistiques. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces arabettes ? Ces arabettes des dames, oui. C'est Arabidopsis thaliana, son petit nom latin. Nous, notre équipe travaille de façon un peu plus spécifique donc sur les mécanismes épigénétiques. C'est une plante qui se prête bien à ce type d'analyse. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment certains gènes s'expriment ou au contraire sont réprimés. Alors comment ça fonctionne chez les plantes ? Est-ce qu'il y a une définition de l'épigénétique chez les plantes qui est différente que chez les êtres humains ou les animaux ? Alors, la façon dont on définit l'épigénétique, quand on fait de la biologie moléculaire et de la génétique, ce qui est notre cas, elle est un peu semblable entre les plantes et les animaux. En fait, on s'est aperçu que l'ADN n'était pas nu dans la cellule. Il est entouré d'éléments, de protéines, pour, au final, former ce qu'on appelle la chromatine. Donc l'ADN n'est pas tout seul. Il embarque un certain nombre de molécules et de protéines avec lui. Et ce qu'on a observé, c'est que, en fait, l'ADN n'est pas le seul à porter l'hérédité. On a aussi observé, et ça c'était une observation extrêmement intéressante, que ces protéines qui entourent l'ADN, elles peuvent aussi porter un certain nombre de marques, un certain nombre de, je dirais, de petits drapeaux, qui sont autant d'informations que l'on peut embarquer d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que l'ADN est formé des 4 bases que vous connaissez qui sont ACGT, et sur le C, donc qui sont les cytosines, on peut avoir un petit drapeau qui s'appelle un groupement méthyle, et c'est ce dont on parle quand on parle de la méthylation de l'ADN. Et les marques épigénétiques qu'on retrouve autour de l'ADN, elles existent aussi chez les animaux et elles portent quasiment le même message que chez les plantes. Donc c'est des mécanismes très fondamentaux de fonctionnement du vivant qui sont apparus, je dirais, avant que les plantes et les animaux ne deviennent des espèces différentes. Donc c'est des mécanismes de fonctionnement fondamentaux du vivant qui sont de l'information transmise en plus de l'ADN. Par exemple, si on commence à casser ces mécanismes et à empêcher les marques de se déposer sur les protéines qui entourent l'ADN, eh bien on altère le fonctionnement des organismes vivants, que ce soit les animaux ou que ce soit les plantes. Donc c'est des éléments fondamentaux de la régulation des gènes et du développement des êtres vivants. La génétique et les gènes, c'est jamais que de l'information, en fait, qui est lu et interprété. Un gène, c'est quelque chose d'inerte. Un gène, ça n'a pas d'existence en tant que tel, si ce n'est la façon dont il est lu et dont il est interprété par toute la machinerie cellulaire. Et les marques épigénétiques sont une manière, en fait, d'interpréter cette information. Un peu comme si vous aviez un livre en face de vous qui, lui, était le génome, que ce soit le génome humain ou le génome des plantes, ça fonctionne de la même manière, et chaque mot serait un gène. Et quand vous lisez un roman, vous faites chacun votre image mentale de ce qu'il y a dans le roman. Voilà, la génétique, les gènes, c'est un peu la même chose. La façon dont ils sont lus, l'environnement dans lequel ils sont lus, si vous lisez votre livre dans le TGV, si vous lisez le soir avant de vous endormir, vous allez peut-être avoir des images mentales un peu différentes. L'épigénétique, c'est exactement la même chose. Si vous faites pousser votre plante dans des conditions où elle va subir des stress, comme les stress climatiques par exemple, beaucoup de chaleur ou des choses comme ça, les gènes vont être lus un peu différemment et le message va être lu un peu différemment que si vous faites pousser notamment l'arabette ici dans des conditions hyper contrôlées. Voilà, le génome s'exprime de façon différente. Et donc l'épigénétique, c'est aussi une manière de lire le génome, et cette lecture, elle se fait aussi de façon différente, et elle est différenciée en fonction de l'environnement. Voilà. Là, on est devant une table où des sortes de godets se déplacent de manière très régulière, de gauche à droite, en haut, en bas. Ils sont tout horizontaux et ils se déplacent un peu comme un jeu de pouce-pouce qu'on avait quand on était petit, où chaque godet va se déplacer sur la table et occuper chacun un endroit, et puis un autre, sans manquer aucun endroit que les autres auront pris avant lui ou après lui. Voilà un peu la façon dont on peut essayer de comprendre le fonctionnement, qui est un peu mystérieux. Parce que c'est extrêmement fragile. Moi-même, j'ai fait attention. Alors, cette table, en fait, il faut faire attention de ne pas, surtout pas toucher les bords. Elle est composée de 735 plantes, où chaque plante va passer à chaque endroit le même temps. Il y a tout un circuit en serpentin qui fait que nos cycles de rotation passent toutes les 4 heures. Une plante passe au même endroit toutes les 4 heures. Donc, ça, on appelle ça un cycle. Donc, il y en a 6 par jour, évidemment. Voilà, donc ça c'est l'intérêt du robot, de faire circuler. C'est pour bénéficier en fait de chaque endroit qui peut être un environnement très différent de l'une à l'autre. Même si on essaye, c'est des chambres climatisées, normalement le climat est contrôlé, mais malheureusement il y a quand même des hétérogénéités dans la pièce. Et pour gommer ça, on fait circuler les plantes. Deuxième avantage, c'est qu'on a des positions fixes de caméras et de stations d'arrosage et de pesage qui sont à 2 endroits sur ce phénoscope ici. Les caméras, donc infrarouge et visible. Donc ça permet d'avoir les photos au même endroit, chaque plante est prise individuellement, avoir des arrosages individuels également, et ça permet d'avoir comme ça les conditions environnementales qui soient exactement les mêmes pour toutes les plantes. Cette table mouvante là, ce phénoscope, qui est en train de promener des tiges d'arabettes des dames, finalement pourquoi on fait danser les arabettes ? Alors, on fait danser les arabettes pour poser des questions d'intérêt dans un environnement ultra contrôlé. Et donc, en fait, chaque plante est soumise, en gros, au même environnement pendant 4 heures. Donc, on fait ça pour contrôler les conditions environnementales de façon extrêmement précise. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'il y a un petit robinet sur la table qui permet d'arroser les godets et qui permet de les arroser de façon sélective. L'ordinateur sait à quel godet correspond quelle plante, et on arrose comme ça, de façon sélective, une plante et pas l'autre. On a nos contrôles d'un côté qui vont être arrosés normalement, et les arabettes qui vont être soumises à un stress hydrique, et tout ça est mélangé parce que l'ordinateur sait à quoi correspond quoi. Donc c'est une manière de randomiser la culture, et de poser ensuite des questions qui sont liées à l'environnement. Et les questions qu'on pose qui sont liées à l'environnement et à l'épigénétique, c'est justement, est-ce qu'il y a une mémoire du stress au cours des générations ? Donc on a fait cette expérience en collaboration avec des équipes de l'ENS, et c'est Olivier Ludet qui a pratiqué cette expérience ici. On a soumis les arabettes à un stress hydrique, une première génération, et puis on les a laissées tourner, on les a laissées croître, on a récolté les descendants. Dans la génération suivante, on a resoumis ces mêmes plantes qui avaient vu le stress au même stress, et on a fait pousser de nouveau les contrôles, pour que, de façon générationnelle, on transmette pas seulement les arabettes stressées, mais aussi les arabettes contrôle. Et puis, au bout de X générations, on est allé regarder s'il y avait des modifications de l'épigénome dans ces arabettes. En gros, on a posé la question de savoir si le stress avait imprimé dans l'épigénome des arabettes une marque, quelque chose qui ferait que les filles de ces plantes se souviendraient du stress qu'ont vécu leurs arrière-grand-mères. Et la réponse est non. On n'a vu aucune modification particulière. Les épigénomes des plantes stressées en génération 4 ou 5 sont à peu près les mêmes que celles des arabettes non stressées. Il y a des variations, bien sûr, mais qui sont liées à la variabilité épigénétique. On ne voit pas de différence majeure. Nous, on l'a fait ici à l'INRAE de Versailles pour le stress hydrique. D'autres l'ont fait aussi pour le stress salin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, pour un certain nombre de stress qui ont été testés, il n'y a pas, comme ça, une transmission avec un effet majeur et majoritaire dans les épigénomes de la mémoire du stress. Et c'est un résultat négatif. Un résultat négatif dans la recherche est toujours un peu compliqué à gérer parce que ça s'applique à une situation particulière. On en conclut quelque chose pour une situation particulière et c'est très difficile de généraliser ensuite. Alors, c'est une déception. C'est une déception, oui et non. C'est-à-dire que c'est un résultat, en fait. En tout cas, chez les plantes, ce qu'on voit, c'est que l'effet transgénérationnel, la transmission des marques épigénétiques de génération en génération, elle porte des informations, mais elle porte pas une information qui soit en capacité de faire bouger les espèces. C'est toujours la génétique qui contrôle un peu tout ça. Et l'épigénétique, quelque part, c'est une manière supplémentaire, hyper intéressante, hyper enthousiasmante de réguler les gènes. Mais il ne faut pas non plus lui donner tout un tas de vertus qu'elle n'a pas, en fait. Catastrophe. les arabettes des dames cultivées par Nicolas Boucher et ses collègues vont-elles ficher en l'air tous les espoirs portés sur l'épigénétique des plantes ? Adieu les plants résistants à la sécheresse, aux virus, aux parasites. Fadaise la fameuse héritabilité des caractères acquis dont nous nous faisions les ambassadeurs dans les travées du Salon de l'agriculture. Et ça au moment où les plus tradis des tradis, comme Henri Biespéré, entament leur examen de conscience. Alors, Henri Biespéré, voilà, vous m'avez donné rendez-vous au stand de la FNSEA pour parler d'épigénétique. Alors, je suis agriculteur, donc exploitant agricole en GAEC avec un associé, là, un ami avec qui on a regroupé deux exploitations il y a 25 ans exactement. Donc, on est sur 120 hectares. Un tiers, c'est de l'herbe qui nourrit un troupeau de vaches laitières. Et les deux autres tiers, ce sont des cultures végétales. Donc, il y a du maïs, il y a du tournesol, il y a du colza, il y a du blé. Donc, ça, c'est la moitié de mon temps. Et l'autre moitié, je suis effectivement responsable à la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. On est là pour défendre les agriculteurs, pour porter les revendications, mais aussi avec nos rapports d'orientation pour éclairer l'avenir. Donc je suis la moitié du temps avec effectivement un joli costume pour recevoir les parlementaires, pour aller dans les cabinets ministériels, voilà, pour représenter la profession agricole. Et l'autre moitié du temps avec bleu de travail et des bottes pour traire mes vaches, faire des clôtures dans mes prairies et accompagner mon troupeau du mieux que je peux. L'agriculteur n'a jamais voulu faire à la place de la plante. Et à tous les moments, depuis les années 50-60, et où on a amené les maïs hybrides, par exemple, puisque je suis moi du sud-ouest, des Pyrénées Atlantiques, cette plante maïs magnifique, c'est d'abord la génétique, la recherche. On a fait les hybrides et après le travail de l'agriculteur a été de dire comment je fais en sorte que ce qui est dans les gènes, ce qui est dans la semence, ça puisse s'exprimer et qu'au bout, j'ai plus de rendement. Alors bien sûr, à l'époque, la consigne, c'était « il nous faut du plus ». On partait de la famine après-guerre et on voulait nourrir tout le monde. Donc on disait à l'agriculteur « ce qui est important, c'est plus ». Et donc tout l'encadrement de l'agriculture était basé en disant « vous avez des semences ou des animaux » dont la génétique permet à un potentiel extraordinaire et toujours en augmentation de volume, pour qu'il s'exprime, vous devez apporter des intrants, alors chimiques, parce qu'à l'époque on disait c'est plus facile de mettre du chimique que de l'organique. C'est pour ça qu'on redit aux chercheurs, aujourd'hui c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux. Cherchez des semences plus résistantes à la sécheresse, trouvez-nous des semences dont la plante permet de capter l'azote de l'air pour en mettre moins de chimiques au pied. Donc à chaque fois, c'est quand même partie de la génétique, en disant la génétique vous permet d'eux, et vous, agriculteurs, votre savoir-faire, vous allez le mettre en accompagnement de cette génétique pour essayer d'améliorer et de faire plus en termes de rendement. Donc il y a 10 fois la surface de la France dans le monde qui est cultivée avec des semences OGM. C'est pas pour une défense des OGM, c'est pour dire juste nous, Gaulois, on a une particularité où on dit ça, on n'en veut pas, tant pis si les autres le prennent. Voilà. Et en Europe, il y a des pays qui continuent d'utiliser ces plantes OGM. Avec les nouvelles techniques d'hybridation, on a trouvé des méthodes douces pour quand même modifier le génome. C'est-à-dire que on veut aller rechercher le gène de résistance à la sécheresse, l'introduire dans le gène d'une nouvelle plante, sans pour autant modifier la plante telle qu'elle est, avec des méthodes beaucoup plus douces que ce qu'étaient les OGM. Je ne veux pas rentrer dans, dans les techniques de sélection, mais c'est comme ça. Donc à chaque fois, c'est quand même, oui, on veut modifier, mais on veut aussi travailler sur l'environnement pour que les gènes nouveaux puissent s'exprimer de manière correcte. Le message est passé. L'épigénétique des plantes, si ça nous fournit des plants et des semences adaptés à notre monde toxique et au changement climatique, on prend. Sinon, on entonne la complainte du paysan privé d'OGM. Voilà pourquoi l'épigénétique est une aubaine. C'est de la manipulation génétique, oui, mais sans toucher au génome, donc pas considéré comme un organisme génétiquement modifié. Ce n'est donc pas le moment de laisser tomber la recherche. Pas complètement découragé parce que vous êtes dit que après avoir torturé les arabettes, l'idée vous est venue bien sûr, on s'en doutait un peu, de s'intéresser à d'autres plantes et nous voici en plein mois de janvier près de plantes tomates qui sont superbes. Pour certains, et assez maigrichon pour d'autres. Donc ça vous continuez, tous les espoirs sont permis pour l'épigénétique. Alors les espoirs sont permis, les questions qu'on a commencé à poser sur la rabette, c'est des questions de fonctionnement généraux en fait du vivant et des plantes. Et on essaie de voir si, en se disant que c'était probablement le cas, si ces mécanismes fondamentaux de fonctionnement étaient les mêmes chez les plantes cultivées. Quand on a commencé à travailler sur la rabette des dames, les questions d'épigénétique qu'on a posées, on a pu aussi les poser sur plusieurs générations. Pourquoi ? Parce que quand on commence à casser ces mécanismes de contrôle des marques épigénétiques, eh bien, chez la rabette, ils ne bougent pas trop, ils ne font pas trop de dégâts. Sur une plante comme la tomate, quand on commence à y toucher, on va très rarement à la génération suivante. C'est ce que vous voyez sur cette plante-ci, qui est une plante pour laquelle on a cassé un seul gène qui contrôle la méthylation de l'ADN. À côté, vous avez les plantes contrôle, donc qui sont les plantes tomates les plus cultivées au monde. Et ben, vous voyez la différence entre les deux. Il y en a un qui se porte bien, qui est très grand, qui a développé des feuilles, et l'autre est complètement rabougri. Il n'est pas mort, mais les feuilles sont comme si elles étaient fanées. Et ça, ça traduit simplement le fait que quand on casse ces mécanismes de contrôle épigénétique, on bouleverse entièrement le développement de la plante. Donc ces mécanismes, même si on n'arrive pas à très bien démontrer comment ils peuvent être importants de façon transgénérationnelle, pour ce qui est du développement, en tout cas de la tomate, comme vous le voyez ici, ils sont absolument essentiels. Et ces plantes, elles vont former des petits fruits qui ressemblent en rien aux fruits que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Ils sont tout petits, sont aussi très affectés dans leur développement, et ils contiennent aucune graine. Donc ça veut dire qu'on ne va pas à la génération d'après, on n'arrive pas à faire en sorte que la tomate se reproduise. C'est des mécanismes qui sont donc importants pour le développement et puis pour ensuite transmettre en génération suivante le patrimoine génétique. Donc il y a un intérêt fondamental à utiliser et à aller regarder ce qui se passe chez la tomate pour les marques épigénétiques. Et puis il y a aussi un intérêt agronomique, parce que comme vous le voyez ici, les plantes, elles sont pas très belles, pas très en forme, mais on peut avoir aussi, en déverrouillant cette variabilité épigénétique, tout un tas de phénotypes, tout un tas de développements qu'on peut voir ici, mais qui s'expriment aussi ici sur celles-ci qui sont beaucoup plus petites. Ça, c'est le mutant, et ça, juste à côté, c'est la plante non mutée. Bah, celle-ci, voilà, elle a un développement beaucoup plus court, et c'est un autre gène qui a été cassé et qui interrompt le contrôle du dépôt des marques épigénétiques. Ce qu'on voit, c'est qu'en cassant ces mécanismes-là, on révèle aussi tout un tas de comportements développementaux que peut-être on n'aurait pas dans la biodiversité naturelle. Donc c'est ça notre question, je dirais, un peu fondamentale de recherche en ce moment, c'est comment déverrouiller la capacité épigénétique des plantes pour essayer de révéler des formes de développement, des formes de résistance à des stress, des formes de résistance à des pathogènes, qui soient quelque chose qu'on n'observe pas à l'état naturel. Et voir comment, après, on peut utiliser ces informations pour les transmettre et faire en sorte que des plantes cultivées, par exemple, puissent bénéficier de ces informations. On en est encore très très loin. Là, on est sur des aspects très fondamentaux, de recherche très fondamentale, mais l'espoir à plus long terme, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire que vous essayez, Nicolas, de booster la biodiversité, de la démultiplier en cassant justement ces marqueurs épigénétiques? C'est un peu ça, en fait. On essaie de révéler une nouvelle forme de variabilité qui nous serait un peu inaccessible, un peu comme si on ouvrait la porte, une porte un peu secrète dans un château, et qu'on découvrait derrière tout un endroit nouveau avec des pièces nouvelles. C'est ça ce qu'on essaie de faire. On essaie de voir si c'est possible, et on essaie de voir comment on peut l'utiliser ensuite à des fins pratiques et à des fins agronomiques. Alors moi, je comprends bien que si on fabrique ces espèces de chimères, on va pouvoir en tirer avantage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter de caractéristiques de développement inattendu qui vont être profitables pour faire pousser des plantes dans un milieu toxique, dans un milieu trop chaud, trop sec. Bon, ça c'est. Mais j'ai déjà le son de la voix de plein de mes amis citoyens qui disent, mais qui c'est ce type? C'est le diable, il est en train de manipuler la nature, c'est diabolique. Donc est-ce que, Nicolas, vous êtes le diable? Non, je ne suis pas le diable, Franck. Quand on modifie en fait ces marques épigénétiques, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le dépôt des marques ou le fait qu'on enlève des marques, c'est quelque chose d'abord qui ne touche pas du tout à la molécule d'ADN. Donc les plantes que vous voyez ici qui ont des phénotypes très différents, elles ont exactement le même génome que celles qui n'ont pas été modifiées. Donc on garde totalement intact le patrimoine génétique. Les marques épigénétiques, elles sont aussi labiles, c'est-à-dire que, et c'est bien l'une des problématiques, si on veut les utiliser en amélioration des plantes, il faut pouvoir la fixer, cette variabilité épigénétique. Et c'est un sujet de recherche important. Comment on fixe sur une génération, deux générations, ces modifications épigénétiques qui nous seraient favorables et qui nous serviraient dans les cultures de demain et pour l'agriculture de demain. Pour le moment, on ne sait pas encore, on a de toutes petites fenêtres temporelles. Et donc on revient très vite en fait à des états, pour ainsi dire, des états naturels et des épigénomes qui retrouvent en fait une méthylation d'origine et un contexte d'origine. Donc on ne touche pas du tout au patrimoine génétique quand on fait ça. En téléphonant la première fois à Moussa Benhamed, directeur de l'équipe Chromosome Dynamics à l'Institut des Plantes de Saclay, on espérait qu'ils nous promettent des résultats tangibles sur une épigénétique des plantes qui marche, qui pourrait bientôt stimuler les génomes de blé à pousser dans le désert, celui des tomates à se priver de pesticides. Une épigénétique cocorico, quoi. Mais en guidant nos premiers pas dans son labo, Moussa Benhamed nous laisse percevoir à sa façon qu'ici, pour faire tourner la boutique, il fait appel à une Babel de la science. Donc, il y a deux parties dans le labo. Une partie vraiment dédiée au séquençage. Vous avez ici une étudiante en M2 qui est en train de manipuler, qui est en train de bosser dur pour essayer de faire en sorte qu'on soit le plus compétitif possible, puisqu'on parlera de compétition internationale. Xiaoning, il est étudiant en thèse et il est vraiment spécialiste en bioinfo. C'est lui qui travaille à partir des données qu'on génère au niveau du séquençage. Il arrive à extraire, j'ai envie de dire, la substantifique moelle de ces données. C'est un élément clé. On a aussi une postdoc qui s'appelle Jing Han, qui elle aussi est bioinformaticienne. On a aussi Chloé, qui est en première année de thèse et qui travaille sur l'implication des mécanismes épigénétiques dans le contrôle de l'expression des gènes chez la tomate. Alors à côté, deuxième labo. Avec des gens qui sont en train de bosser, vous les entendez là, vous entendez les pipettes. Hugo, qui est ingénieur d'études. Alexia, qui est en M2, qui est en stage. Tous les deux travaillent aussi sur des projets liés à l'épigénétique, aujourd'hui sur la tomate, mais aussi sur le blé. C'est de réaliser techniquement en fait, l'ensemble des expériences qui vont nous amener à obtenir des résultats clés pour la compréhension des mécanismes épigénétiques et leur rôle dans la régulation de l'expression des gènes. On a aussi Laïla qui est technicienne dans notre labo, qui est assistante ingénieure pardon, dans notre labo et qui vient du Liban. Donc notre équipe, on le voit, c'est international, mais avec une grosse composante de personnes qui viennent d'Asie. Alors je pense pas que ça soit un hasard, je pense que c'est quelque chose qui vraiment, c'est un domaine extrêmement important, extrêmement compétitif, avec des enjeux très forts. L'objectif, quand on travaille en épigénétique, ça va être d'exploiter 100% du potentiel des plantes. Donc forcément, cet enjeu international amène énormément de pays à vouloir investir, développer les compétences et aller dans les laboratoires où se trouvent ces compétences pour former les futurs chercheurs qu'ils rapatrieront plus tard au sein de leurs institutions. Les thésards que vous voyez ici qui viennent de l'étranger, certains feront carrière en France, mais une grande partie seront amenés à rentrer chez eux parce que, notamment en Asie, leur sont offertes des conditions de travail qui sont extrêmement intéressantes. Alors bien sûr, c'est extrêmement sélectif. Ils sont très nombreux, ils ont une politique très agressive dans le sens où ils envoient un grand nombre de gens se former à l'étranger, mais ensuite leur objectif c'est de les rapatrier pour développer des recherches de pointe qui vont leur permettre soit de rattraper le retard s'ils en ont un, soit de garder une avance ou de prendre de l'avance dans les domaines les plus, j'ai envie de dire, pointus, et en l'occurrence dans les domaines les plus pointus de l'épigénétique végétale. Voilà, Vous formez des compétiteurs, des concurrents, ou vous formez des collaborateurs ? Alors, mon objectif, c'est de former les meilleurs scientifiques possibles, et ensuite, de garder un contact le plus sain possible, mais aussi le plus étroit possible, pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. On continue ? Bien sûr. On va quitter le bruit des frigos. Hein, on va passer à la serre, si vous voulez bien. Ouais, parce que là on est dans un monde de frigos, hein, de congélateurs, de ventilateurs. De centrifugeuses. De centrifugeuses, c'est une belle ambiance, hein, mais c'est... on a l'impression d'être au bord de la mer. Quoi. Je vais vous emmener à la serre, ouais. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait, et aussi dans les chambres de culture, in vitro. Donc on passe d'abord par la serre. On profitera Moussa Benhamed pour essayer de comprendre ce que, en quelques mots, enfin, pour les nuls, ce que vous faites. Hein, parce qu'en gros, c'est pas encore ce que vous faites. C'est une petite idée. Alors, je vous explique. Là, on est dans la serre. Dans la serre, on a différents compartiments. Alors, ici, ça va être les compartiments qui vont intéresser le plus mon équipe pour la partie tomate. Donc, on a les conditions parfaites pour la tomate avec. Une durée de la lumière qui est de 16 heures, une température le jour de 25 degrés, la nuit 20 degrés, 40-50% d'humidité, c'est les conditions parfaites. Et donc ce que vous avez ici, ce sont des plantes, pour certaines qui sont sauvages, pour d'autres qui sont mutantes. Et on va étudier les mutants, on va étudier l'impact de ces mutations pour pouvoir comprendre ces mécanismes fondamentaux. Et je le redis, c'est ce qui va nous permettre demain de pouvoir exploiter 100% de leur potentiel à ces plantes-là. Pourquoi ? Parce que ces mécanismes épigénétiques, ils sont impliqués dans la réponse à l'environnement, dans la réponse au stress, dans le développement, etc. Et si on veut pouvoir, sans entrants, sans pesticides, sans OGM, pouvoir exploiter au maximum le potentiel de ces plantes, il faut comprendre en fait comment les gènes sont régulés pour pouvoir utiliser 100% de leur potentiel. Une des clés, ça va être de comprendre comment transmettre ces caractères et comment rendre ces caractères stables. Alors, pour les plantes qui font de la reproduction sexuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la reproduction sexuelle a lieu, vous avez une espèce de remise à zéro de la mémoire épigénétique et de tous les événements passés. C'est-à-dire qu'il n'est pas transmis à la génération suivante d'informations liées à l'état de stress du parent, ou en tout cas, ça n'est pas transmis sur plusieurs générations. C'est-à-dire que si une plante a vécu dans un climat sec, trop sec, anormalement chaud, elle va avoir des modifications pour elle-même, mais elle ne va pas les transmettre. Exactement. Soit sur une génération, mais pas plus. Pour l'instant, c'est ce qui a été observé en laboratoire. Et donc l'idée qu'a eu un de mes collègues, qui s'appelle José Gutiérrez, qui est professeur à l'université de Warwick, c'est de se dire qu'on va se passer de la reproduction sexuelle, qu'on va régénérer des plantes, par exemple des plantes qu'on va régénérer à partir de feuilles ou à partir de racines, et voir si ces plantes qui ont été régénérées, qui se ressemblent vraiment, quand on les regarde, on a du mal à faire la différence entre les deux, d'un point de vue phénotypique, mais est-ce qu'elles ont, justement du fait du tissu par lequel elles ont été régénérées, elles ont pu acquérir des caractéristiques différentes. Et ce qui a été observé, c'est que des plantes régénérées à partir de feuilles vont être plus résistantes à des pathogènes que des plantes régénérées à partir de racines. Donc, le tissu d'origine peut permettre de conférer certains avantages. Et juste pour aller plus loin, ce qui a été démontré aussi, c'est un article qui a été publié dans PNAS en 2018, c'est que ça se transmet une fois que l'acquisition a été faite à travers la régénération à partir d'un tissu spécifique, les caractères qui ont été acquis se transmettent d'une génération à l'autre. Épigénétiquement, exactement. On imagine les enjeux énormes qu'il y a derrière. On a tout de suite. Moi, je me mets dans la peau d'un grand patron de l'agrochimie ou d'un grand patron de semencier. Je m'achète un beau 4x4, je vis dans une villa somptueuse. Mais surtout, je fonce au labo de M. Gutiérrez et au labo de M. Benhamed et je leur dis, les gars, c'est combien Alors, comment on fait le brevet? La méthode que lui a utilisée, elle est en cours. Il est en cours de dépôt de brevet. sur ce qu'il a réalisé et sur les résultats qu'il a obtenus. Parce que, évidemment, c'est fondamental de se dire qu'on peut, à travers la régénération tissus spécifiques ou d'autres types de régénération dont je ne peux pas parler aujourd'hui, justement, parce que c'est des recherches qu'on fait actuellement, qu'on peut améliorer considérablement la résistance de certaines plantes à tout un tas de stress environnementaux, qu'ils soient des stress biotiques ou abiotiques, c'est sûr que ça a des portées très importantes. Et surtout, comme je vous l'ai dit, la clé, c'est la stabilité des caractères. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de stable. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on peut obtenir quelque chose de stable dans le temps. On va sortir des grands ventilateurs. On était avec les petits congélateurs. Maintenant, on est dans les grands ventilateurs des serres. Bah, c'est un monde sonore, hein. C'est le pays du vent, quoi. Le pays des plantes, c'est le pays du vent. C'est ça, c'est notre quotidien. Si vous voulez maintenir une température, si vous voulez maintenir des conditions expérimentales optimales, vous êtes obligé de travailler dans ce type d'environnement. On a eu une période de désamour entre l'agriculture et la société et les consommateurs. Les agriculteurs ont bien vu que certaines méthodes de production sont aujourd'hui regardées par le consommateur de manière négative et qu'il faut probablement changer. En même temps, il est confronté devant le fait des annonces, par exemple, gouvernementales qui disent on supprime un produit de traitement contre l'insecte. Ils savent que à partir d'un 3-4 mois, leur culture va être en danger parce qu'ils n'auront pas le produit chimique pour lutter contre ce puceron, en l'occurrence, je parle de la betterave, puisque ça a fait l'actualité il n'y a pas longtemps. Quand on leur dit, mais il y aura une solution dans 3-4 ans, parce qu'on a des variétés de semences et on aura des méthodes de production qui permettront de lutter contre ce puceron, lui, il dit, mais dans 3 mois, je fais comment ? Voilà. Donc, entre la rapidité, quelquefois, d'une décision politique et les solutions qui sont en train d'être recherchées, dont on sait qu'elles vont arriver, mais dont on ne peut pas promettre qu'elles vont arriver dans 3 mois, l'agriculteur, il est pris quand même entre deux feux. On a des chercheurs en France exceptionnels qui travaillent sur différents modèles, que ce soit à l'Institut Curie, à l'Institut Pasteur, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, sur les animaux, sur les plantes, sur le cancer. Enfin, vraiment, on a une recherche qui est très compétitive, mais elle est très compétitive aussi par l'abnégation des chercheurs eux-mêmes, par tout ce qu'ils donnent d'eux-mêmes pour réussir à faire aboutir leur recherche. Parce qu'en France, on génère des talents en recherche. On a des structures qui sont fantastiques. Maintenant, la question, ça va être comment maintenir la compétitivité sur le long terme, comment maintenir cette formation qui est vraiment excellente, comment travailler avec nos collègues à l'international pour ne pas se voir comme des compétiteurs, comme on en parlait tout à l'heure, mais se voir comme des collaborateurs, et comment comprendre que cette recherche est tellement fondamentale et peut apporter tellement qu'elle a besoin justement de cette émulation, mais aussi de cette synergie entre les chercheurs pour permettre d'avancer. Tout ce que je peux dire, c'est que si on arrivait à vraiment connecter ce qu'on sait, c'est-à-dire cette complexité de l'organisation des informations génétiques avec des possibilités de développer des variétés qui auraient des caractéristiques un peu différentes, l'épigénétique pourrait être une façon de faire relativement peu coûteuse, accessible au plus grand nombre. Mais là, je rêve. Mais d'un autre côté, toute solution concrète a commencé par du rêve, des essais, des échecs, et puis petit à petit, on a une meilleure compréhension. La génétique, ça a toujours fonctionné comme ça. En fait, il y a de ça quelques années, on a été contacté par un laboratoire privé qui travaillait à l'amélioration d'une plante particulière qui a ses laboratoires, je ne sais pas si je peux le dire, mais qui sont basés au Brésil et en Israël, qui est venu nous rencontrer pour discuter d'un partenariat. Et oui, en l'espace de quelques heures, de quelques discussions, on en est arrivé à signer un contrat pour une activité de recherche. Avec, pour être honnête, aucune contrainte vis-à-vis du résultat. C'est-à-dire que c'était extrêmement exploratoire. Et le contrat portait sur une centaine de milliers d'euros. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment avec des entreprises françaises. À part quelques exceptions, qui sont souvent des entreprises de taille moyenne ou de petites entreprises qui ont envie d'investir dans la recherche pour justement essayer d'avoir une avance sur la compétition. Les grands semenciers français, en tout cas pour ce qui nous concerne, sont plutôt frileux en général. J'ai envie de dire, sont pas dans la prise de risque. Ils sont plus dans l'attente. L'impression que nous avons, c'est que c'est d'abord le pouvoir public qui doit mettre la main à la poche pour faire les preuves de concept, et ensuite, si on voit qu'il y a du potentiel, ils vont investir. Et on a l'impression qu'avec des entreprises étrangères, les choses sont assez différentes. La problématique telle que je la vois, c'est qu'il va falloir à un moment qu'il y ait un investissement de partenaires privés pour enclencher le processus de recherche translationnelle, c'est-à-dire pour passer du passage de ce qu'on peut découvrir dans un laboratoire fondamental à ce qui pourrait avoir une utilité sur le marché, etc. Et ça, ça va être un enjeu fondamental dans les prochaines années. Parce que si en France les gens ne le font pas, j'ai aucun doute sur le fait que d'autres le feront à l'étranger. C'était Épigénétique quand l'ADN fait son intéressant. L'épigénétique fait campagne. Avec Jean-Marie Serroni, Nicolas Boucher, Franck Garnier, Henri Biespéré, Moussa Benhamed. Remerciements. Mélanie Hamon, Cécile Reynaud, documentalistina Delphine André, stagiaire Malo Toquet, prise de son Romain Luquiens, Alix Barrois, Pierre Henry. Mixage Benjamin Vignal. Attaché de production Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Une série documentaire de Franck Guvellier réalisée par Véronique Samouilov.